bonjour, c'est l'avenir, je suis de retour. La vie m'a joué des tours, je t'aime pas, c'est pour toujours. Et je m'en fous, tu dis pas bonjour. Me dis pas bonjour, me dis pas bonjour. Me dis pas bonjour, me dis pas bonjour. Me dis pas bonjour, me dis pas bonjour. Me dis pas bonjour, me dis pas bonjour. Savoir que ça volait, je me suis pas fait inciter. J'ai tourné, j'ai traîné, j'ai grandi dans la cité. Tu me descends, tu me salis, dis-moi qu'est-ce qui t'excite. Je compte jamais ce que j'ai donné en sous ou en shit. Oh shit, oh shit, oh oh shit. Ça veut ma chute, ma chute, ma chute. Tout seul, j'cogite, j'cogite, ouais, j'cogite. Il faudrait me gâcher, gâcher, ouais, me gâcher. J'm'appuie de masse, cracher l'eau d'hiver, faut pas. T'es décevant, tu vas où souffle le vent. On me dit tu l'es, j'croyais que t'étais pas une pute, mais on peut tu l'es. C'est crapuleux, mais heureusement j'suis habitué. C'est l'ovni, j'suis de retour. La vie m'a joué des tours. J't'aime pas, c'est pour toujours. Et j'm'en fous, tu dis pas bonjour. C'est l'ovni, j'suis de retour. La vie m'a joué des tours. J't'aime pas, c'est pour toujours. Et j'm'en fous, tu dis pas bonjour. Me dis pas bonjour, me dis pas bonjour. Me dis pas bonjour. Me dis pas bonjour, me dis pas bonjour, me dis pas bonjour, me dis pas bonjour, me dis pas bonjour. J'ai pas tout vu, j'ai pas tout fait, détends s'il te plaît, j'ai pas tout dit, t'inquiète pas, je reste fort, t'inquiète pas, je reste fier, ça fait des poussettes fort, arrête de dire tu vas me faire. Pour ce que j'aime, je fais le nécessaire, les branches pas, je les connais, c'est nécessaire. Non, j'ai pas la SSR, mais j'ai drivé le GSXR. C'est l'ovni, j'suis de retour. La vie m'a joué des tours. J't'aime pas, c'est pour toujours. Et j'm'en fous, tu dis pas bonjour. C'est l'ovni, j'suis de retour. La vie m'a joué des tours. J't'aime pas, c'est pour toujours. Et j'm'en fous, tu dis pas bonjour. Me dis pas bonjour. Me dis pas bonjour. Me dis pas bonjour. Me dis pas bonjour. Me dis pas bonjour. Me dis pas bonjour, me dis pas bonjour, me dis pas bonjour, me dis pas bonjour, me dis pas bonjour, me dis pas bonjour, me dis pas bonjour, me dis pas bonjour, me dis pas bonjour, me dis pas bonjour, me dis pas bonjour.